Gagne belle tibi sa cap danser là soit t'as besoin encore aye passer ça là point bi wai bi cool bi gra c'est pas exemple dit à mando qui côté au travail soit t'as dit le lambi le lambi le lambi le lambi le lambi entre parenthèses yo dit mon gon l'autre côté au travail encore c'est qui côté ça a bon changer dans coco coco coco coco rico c'est pas exemple qui service ou fait soldat service de nuit Et si Bazal, t'as mando, qui j'en fais vin petit comme ça, soit t'as répondu. Eh bien, c'est une question de toute la nuit. Recherche, c'est recherche. Recherche, c'est recherche. Pour maman, gâteau de nuit, c'est recherche. Bas à dormir, recherche. Vin tout nos crayons, c'est recherche. La taille toute la nuit, recherche. Pour maman, gâteau de nuit. Recherche, pas à dormir, c'est recherche. Fin tout nos crayons, recherche. Bataillons toute la nuit, c'est recherche. Aïe aïe aïe, recherche. Pour qu'un jouet dans mes ondes, c'est recherche. Pour qu'il soit tout passé, recherche. Pour qu'il soit jouer tout, c'est recherche. Jouer tout, jouer tout, jouer tout. Recherche. Ou pas gagner, ou pas planter, ou pas sécler, ou pas oser. Recherche. C'est pourquoi pas jouer, jouer tout. Recherche. Ou pas tant de voisins, n'a pas dégagé l'autre bois. Ou maman, gâteau de nuit, recherche. Pas à dormir, fin tout nos crayons, la taille toute la nuit. Aïe aïe aïe, souhait, toute la nuit. Je mets ton fait papier, ton noir devant, bébé, tu me viens écrit. C'est regardé moi que yon fini. C'est petit bout la prête nan même. C'est vrai oui toute la nuit. Yon met ton feuille papier tout noir devant. Et puis yon dit puis n'écrit. Et puis ton bim taille. C'est regardé moi que yon fini. Regrette. Regrette ma fini. Regrette. Allez non. Ouais vagabond. C'est bête pour nous respecter oui. Bon vagabond. Employé dans le service hydraulique qui paraît là quand même. Il dit bonjour madame Goubé. Madame dit bonjour monsieur. Il dit Goubé pas là. Madame dit non, Goubé t'es fait là. Mais elles font virer. Sans comprendre le vagabond, vous permettez. Oh, mes amis, oh. Je viens pour Goubé. Madame dit non. Vous pas capable de Goubé non. Parce que je suis en règle.